Lazorei. Regarde les éléphants. Regarde leurs grandes oreilles. Leurs oreilles leur permettent de se rafraîchir. Les oreilles de l'hippopotame sont sur le dessus de sa tête. Quand l'hippopotame va dans l'eau, ses oreilles restent hors de l'eau. Ce renard a de grandes oreilles. Ses oreilles lui permettent d'entendre les insectes. Ensuite, il attrape les insectes. L'ours polaire a de petites oreilles. Elles sont recouvertes de fourrure. La fourrure garde ses oreilles au chaud. Le dromadaire vit dans le désert. Il a des poils dans ses oreilles. Les poils empêchent le sable d'entrer dans ses oreilles. Les oreilles de cet insecte ne sont pas sur sa tête. Ses oreilles sont sur ses genoux. Les oreilles du crocodile sont près de ses yeux. Il peut fermer ses oreilles sous l'eau. L'eau ne peut pas entrer dans ses oreilles.